Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, c'est le programme de la jungle des luttes proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, le CSPCL, qui donc se réunit le 1er, 3e et 5e mercredi du mois en assemblée ouverte à 20h dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles à Paris. Donc on vous invite à venir nous rejoindre à cette assemblée ouverte où on partage des informations autour des apatistes et pas seulement évidemment, mais autour de tout ce qui correspond aux luttes en bas à gauche, comme on le dit, pour un peu résumer la base de ce qui réunit les différents collectifs ou organisations dans ce qu'on pourrait appeler le voyage pour la vie depuis l'année dernière, puisque c'est il y a un an les apatistes et les CNI qui étaient venus nous rendre visite en Europe, voilà, sont partis, sont rentrés chez eux, ça fait déjà un an, et là on va rester exceptionnellement uniquement avec les Panchos, qui donc eux au Mexique ont une organisation sur la question de l'habitat au départ, notamment c'est là-dessus que ça qu'ils ont commencé à s'organiser, et en milieu urbain justement, donc nous qui sommes dans des milieux urbains et on voit pas comment on réussit à faire du collectif, eux peuvent nous parler d'une expérience qui dure déjà depuis des dizaines d'années, et donc on est avec eux tout au long de cette émission et on les remercie d'avoir accordé cet entretien, également à la parole errante où on a pu faire cette rencontre en octobre. Et donc justement, comme on a parlé longuement, on sera rien qu'avec les Panchos au Mexique. La lucha sigue, autogestion, autonomie. On se retrouve et merci à FPP et aux filles pour la technique. Merci à vous, la lucha sigue. On est avec les Panchos jusqu'à 20h30. Merci. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous David du groupe Los Panchos, qui nous vient du coup du Mexique et de la ville de Mexico, ou du moins du district de Iztapalapa, et donc de ce quartier autonome qui s'appelle Acapatzingo. Du coup, merci David d'être avec nous. Gracias David por estar aquí con nosotros. Et pour remettre en contexte aussi ta présence, en fait, tu es là parce qu'il y a l'organisation de ce festival Par la cantine syrienne, Les peuples veulent, voilà, qui ont lieu, donc là c'est la semaine off, mais qui vont avoir lieu le 21, 22, 23, ce week-end, et où on a invité plein de personnes, de plein de luttes à travers le monde, dont vous, du coup, Los Panchos. Et du coup, on peut commencer directement. Est-ce que, David, tu peux... te présenter présenter un petit peu ton organisation Los Panchos, qui sont Los Panchos et comment vous vous êtes créés. Y bueno, en español ahora estaba diciendo las gracias y también como primera pregunta, pues preguntar de si puedes presentarte y presentar un poco quiénes son Los Panchos y el contexto quizás de la creación de la organización y todo. Hola. A todos los que nos escuchan. Bonjour a tous ceux qui nous écoutent. Nosotras somos los Panchos. Nous sommes los Panchos. En realidad nuestra organización tiene un nombre más grande que se llama Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Et en réalité on a un nom beaucoup plus long que ça, qui est Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. De gauche indépendante. Esta organización surge en la Ciudad de México hace 35 años. Esta organización elle est apparue il y a 35 ans dans la ville de México. Es una organización que como pretexto toma la necesidad de la vivienda para poder aglutinar a muchos sectores de la población en la Ciudad de México. Et donc c'est une organisation qui a pour prétexte en fait la thématique du lieu de vie pour agglutiner beaucoup de secteurs différents de population dans la ville de Mexico. Sin embargo, desde la creación de la organización, lo que se define como construcción son proyectos de vida digna, no solo de vivienda, sino de vida digna. Mais en réalité, ce qui est le projet depuis la création, c'est un projet de vie digne et pas seulement de lieu de vie, mais de vie digne. Para nosotros la vida digna no solo tiene que ver con la vivienda, sino con la seguridad, con la salud, con la cultura, con la agricultura urbana, con los procesos de justicia, por supuesto, de autogestión, de autoadministración. Et pour nous, ce que ça veut dire la vie digne, ça a à voir pas seulement avec le lieu de vie, mais avec la justice, la santé, la culture, les questions d'agriculture urbaine, la sécurité qui est devenue en premier, et l'autogestion et l'auto-administration. Entonces, para nosotros la prioridad es construir comunidades en la Ciudad de México. Et donc pour nous la priorité c'est de construire des communautés dans la ville de Mexico. La diferencia entre una colonia y una comunidad es que en la comunidad o en las comunidades donde estamos creamos todo lo que tiene que ver con trabajo colectivo o trabajo autogestivo. Et la différence entre une colonia, qui est la manière normale d'appeler les quartiers, et une communauté, c'est que dans la communauté, on a tout ce qui est travail collectif, communautaire et autogéré. Entonces la organización lo que pretende desde su modo de trabajo, desde la forma en que trabajamos, es que con estos modelos de comunidad tratemos de transformar las relaciones que existen dentro de la propia ciudad. Et donc notre organisation, ce qu'elle essaye de faire avec ce modèle de travail qu'on a, c'est de transformer les relations qui existent à l'intérieur de la ville. Dentro de nuestros principios, entonces se define que nosotros trabajamos hacia la autonomía. Et donc dans nos principes, ce qu'on définit, c'est que on travaille pour l'autonomie. Régulièrement, en las ciudades como la Ciudad de México, es impensable la autonomía. Porque se cree que la autonomía es más para los estados o los pueblos originarios. Et d'habitude, dans des villes comme la ville de Mexico, on pense pas à l'autonomie parce qu'on s'imagine que l'autonomie c'est quelque chose qui est plutôt pour les peuples originaires, donc les peuples autochtones, les peuples indigènes du Mexique. Sin embargo, algo que hemos podido lograr es que nuestras comunidades nosotros nos regulamos con nuestra asamblea general, nuestras instancias de dirección y, por supuesto, lo que emana de la mayoría. Et pourtant, ce qu'on a réussi à faire dans nos communautés, c'est que les décisions émanent de notre assemblée générale, de nos instances de direction et bien sûr de la volonté de la majorité. Tratamos de construir proyectos donde nosotros digamos lo que tenemos que hacer y cómo nos regulamos. Inclusive en el proceso de justicia no entra la policía a nuestras comunidades. Et donc on essaye de construire des projets dans lesquels nous-mêmes on s'autogère et par exemple dans nos projets de justice que la police n'est pas à rentrer dans nos communautés. Porque no creemos en la justicia burguesa, por lo tanto nos declaramos también anticapitalistas y antiimperialistas. Parce qu'on ne croit pas à la justice bourgeoise et donc pour cette raison, on se déclare aussi anticapitaliste et anti-impérialiste. Y bueno, un poco para que conozcan más sobre la organización, nosotros tenemos distintas instancias que regulan la vida interna de cada comunidad. Donc pour que vous compreniez un peu mieux notre organisation, on a différentes instances qui régulent la vie de la communauté. En un primer nivel o en instancia está nuestro congreso, que es un congreso donde todo aquel que quiere participar, que pertenece a la organización, lo puede hacer para proponer o para decirle a la organización cómo ve o cómo considera que debemos mejorar. Et donc un premier niveau d'organisation, c'est notre congrès dans lequel peut participer qui veut, pour proposer ou donner son idée de ce qu'on pourrait améliorer. Este congreso se celebra cada dos años. Ce congrès, il a lieu tous les deux ans. Después del congreso se encuentra nuestra comisión política. Ensuite, il y a notre commission politique. Que la commission politique est la encargada de dar dirección o rumbo entre congreso y congreso. Et donc, cette commission politique, elle est chargée de donner une ligne, une direction entre deux congrès. Otra instancia de dirección después de la commission politique est le Consejo General de Representantes. Une autre instance de direction, à part cette commission, c'est le Conseil Général de Représentants. Este consejo está integrado entre uno y tres compañeros de cada comisión y define que las comunidades mayores a 200 familias tienen que tener tres integrantes al consejo por cada comisión. Et donc ce conseil, il est composé de 1 à 3 camarades par commission. Et on définit que les communautés qui sont composées de plus de 200 familles, elles doivent avoir 3 représentants dans le conseil. Valga decir que en la Ciudad de México tenemos presencia en 3 alcaldías, que es Tláhuac, Iztacalco e Iztapalapa. Et ça vaut la peine de dire que dans la ville de Mexico, nous on est présent dans 3 districts différents qui sont Tláhuac, Iztapalapa. Iztacalco. Y en total tenemos 8 comunidades. Et en tout, on a 8 communautés. Aproximadamente somos un poquito de más de 1300 familias. On est à peu près un petit peu plus de 1300 familles. Entonces, cada comunidad, o sea, cada una de estas 8 debe tener 8 representantes o un consejo formado por mínimo 8 representantes. Et donc chacune de ces 8 communautés doit avoir 8 représentants ou au minimum un conseil formé de 8 représentants. Y la intención es que estos consejos se vuelvan la dirección de cada comunidad. En ausencia de la comisión política o de la coordinación política, los consejos son quienes dirigen y mandatan o impulsan el trabajo dentro de las comunidades. Et donc l'intention, c'est que ces conseils puissent devenir l'autorité dans chaque communauté, c'est-à-dire en l'absence de la commission politique, que eux puissent maintenir une ligne dans chacune de ces communautés. Et después de estos consejos, está, o paralelo al consejo, está la coordinación política, que son compañeros que hemos surgido del trabajo político, del trabajo de masas o del trabajo comunitario, y nos han invitado a participar como dirección de cada una de las comisiones. Et donc, en plus de ces conseils, il y a la commission, la coordination politique. Et dans cette coordination politique, nous sommes des camarades qui ont émergé à partir du travail collectif, du travail de masse, du travail communautaire et qui avons été sollicités. En nuestras comunidades hay 8 comisiones, que es la comisión de vigilancia o seguridad, la comisión de listas, que se encarga de la autoadministración, la comisión de mantenimiento, que es el cuidado de las comunidades. Dans nos communautés, il y a 8 commissions. Donc d'abord la commission de vigilance ou sécurité, la commission des listes qui s'occupe plutôt de l'administration, la commission de l'entretien qui s'occupe d'entretenir les lieux de vie vraiment. La commission de cultura, que es la encargada de promover a la cultura en su más amplio sentido, desde talleres, formación política, proyecciones de cine o de arte, o desde el proceso de la construcción de la educación popular como una herramienta de transformación y construcción de seres críticos. La commission culture, qui s'occupe de la culture dans son sens le plus large, depuis des ateliers, des workshops, mais jusqu'à aussi l'organisation d'événements culturels. La commission de communication, qui est l'encargada de impulsar la voz de Villarradio, qui transmite en la Ciudad de México. La commission de communication, qui est donc chargée de la station de radio qui émet dans la ville de Mexico. Et tout le travail de propagande et agitation de l'organisation. Ah, et tout le travail de propagande et d'agitation de l'organisation. La commission d'agriculture urbaine, qui s'encarga de maintenir les huertos urbanos, et l'objectif est de récupérer l'amour à la terre. la commission agriculture urbaine qui s'occupe des jardins urbains et dont le but est aussi de récupérer l'amour de la terre. Et la commission de deportes, qui est la encargada de promover el acondicionamiento físico y mental de las comunidades. La commission de sport qui est chargée de promouvoir un bon état physique et mental dans les communautés. Creemos que el acondicionamiento físico es importante, pero también la agilidad mental y el poder tener una plenitud entre cuerpo y mente. Nous pensons que la condition physique c'est quelque chose d'important, mais qu'en fait l'agilité mentale aussi est de pouvoir avoir un équilibre comme ça entre le corps et l'esprit. La commission de salud qui est la encargada de générer ou construire ou créer promotoras y promotores de salud. Con el objetivo de que la comunidad prevenga las enfermedades, atienda las enfermedades, busque alternativas a sus enfermedades o podamos exigirle al Estado o nosotros construimos nuestras propias clínicas, que es el objetivo. La Comisión de Santé, que a por but de former, de crear des promoteurs de santé, donc des gens chargés de la prévention des maladies. De l'intervention en cas de maladie, de trouver des alternatives, mais aussi soit d'exiger auprès de l'État, soit que nous, nous puissions construire nos propres cliniques. Y en nuestro último congreso del 2019 se integraron la Comisión de Finanzas, que es la encargada de generar un proceso o promover el ahorro dentro de las comunidades, y las comisiones infantiles, porque en cada comunidad debe haber una asamblea infantil, y comisiones infantiles y la comisión o los encuentros de jóvenes. Et à notre dernier congrès, on a ajouté la commission de finances qui s'occupe donc de toutes les affaires financières pour mener à bien ces projets, mais aussi la commission infantile puisque dans toutes nos communautés, il doit y avoir une assemblée des enfants et les assemblées des jeunes. Y ya debajo de las comisiones están las asambleas de cada comunidad y por supuesto las brigadas. Cada comunidad está dividida en grupos más pequeños para eficientar el trabajo. Et en dessous de ces commissions, il y a les assemblées de chaque communauté et bien sûr ce qu'on appelle les brigades. En fait, les brigades, c'est une subdivision pour rendre le travail plus efficace, donc une subdivision des communautés. Entonces esos somos los panchos, los que trabajamos en la ciudad, esa es nuestra estructura, nuestras instancias y todo esto lo hacemos con la intención de construir comunidades autónomas o comunidades organizadas y autogestionadas en la Ciudad de México. Y donc voilà, c'est ça que nous sommes, los panchos, c'est la manière dont nous sommes organisés et ça nous le faisons dans le but de construire l'autonomie et l'autogestion dans la ville de Mexico. Bah merci beaucoup David, du coup tu as couvert plein de choses déjà et anticipé certaines questions qu'on avait, bah voilà, votre fonctionnement politique un peu quotidien, comment vous approfondissez un peu votre autonomie par différents programmes et donc toutes les commissions dont tu nous as parlé. On revient dans quelques minutes après une petite pause musicale avec une prochaine question pour toi. En este país no queremos más. Con conciencia y resistencia, si no claudicas, ganarás. Para ti que te encuentras tras las rejas, que no dejas el reclamo de tu voz de león morir. Para aquellos que trabajan sin perder la convicción, aunque su retribución sean solo las migajas. A costa de te paredes soñando libertad, pagando una condena que nunca podrás saldar. Un sistema injusto que protege a los culeros, encerrante por vida si no tienen su dinero. Te robaron tus tierras para un centro comercial, pero no descansaremos hasta que se le respete a la gente. continente. Lucha por justicia, libertad y democracia. Ya no toleraremos nunca más esta falacia. Siente como el ritmo se apodera de tu mente, como nuestra lucha poco a poco está creciente. Mira como el pueblo desconoce al presidente. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? La jungle des luttes. On reprend du coup avec David de Los Ponchos. Donc tu nous as parlé un petit peu de votre fonctionnement politique quotidien, un petit peu de comment vous vous organisez et comment vous approfondissez un peu votre autonomie. Maintenant, on avait une question, puisque nous, on est donc le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On fait le lien dans cette émission avec entre l'actualité du Mexique et surtout donc des zapatistes et les autres luttes, notamment ici en France. Et du coup, on se demandait un petit peu quel était le lien justement de Los Ponchos avec le zapatisme. Si puedes comentar, porque nosotros, como te lo presentemos, estamos el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, así que en esta emisión estamos tratando de hacer vínculos entre el zapatismo, otras luchas y todo. Por eso la pregunta sería... ¿Cuál es, si hay un vínculo, el vínculo entre los Ponchos y el zapatismo? Sabemos que han participado a la otra campaña, en la Sexta, por supuesto. Así que si puedes comentar un poco eso, sería súper. Sí, primero quisiera empezar diciendo que nosotros respetamos mucho el zapatismo en México. Oui, alors d'abord, je voudrais commencer par dire que nous, on respecte énormément le zapatisme au Mexique. Nosotros, como bien ustedes lo dicen, participamos con ellos en la otra campaña. De hecho, el subcomandante insurgente Marcos en ese momento, hoy Galeano, se hospedó con nosotros durante los meses en los que estuvo la represión de Atenco y hasta el mes más o menos de septiembre que la otra campaña continuó su recorrido. Ellos se quedaron con nosotros en nuestra comunidad. Y on a participé, donc, como vous l'avez dit, a la Sexta. Et en fait, le subcomandante Marcos, donc Galeano maintenant, a même été hébergé dans nos communautés à ce moment-là, pendant les mois où avait lieu la répression à Atenco et jusqu'au mois de septembre. Actuellement, nous, depuis hace algún tiempo, hemos tratado de acercarnos al Congreso Nacional Indígena. Actuellement et depuis un certain temps, on a essayé de se rapprocher du Congreso Nacional Indígena, donc le Conseil National Indien. Con los compañeros hemos dado seguimiento a la lucha en Amilcingo, por ejemplo, y en algunas otras, en algunos otros lados. También con... Et avec les camarades, on a suivi la lutte, par exemple, à Amilcingo et aussi dans d'autres lieux. Organizaciones que se coordinan dentro del CNI, que son parte de los colectivos con los que hoy tenemos trabajo en la Ciudad de México, como Tejiendo Organización Revolucionaria. Y con otros colectivos que hacen parte del CNI, con los que trabajamos en la ville de México, para tisser un réseau d'organisations révolutionnaires. También fuimos invitados hace algún tiempo también a la Escuelita Zapatista. On a aussi été invité il y a un certain temps à la Petite École Zapatiste. Y por, en las últimas semanas, antes de llegar aquí, participamos en dos movilizaciones, una contra las guerras capitalistas que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la del 12 de octubre que era en contra de las guerras capitalistas y en contra de las guerras en contra de los pueblos originarios que también convocó el Congreso Nacional Indígena. Et dans les quelques semaines passées, avant de venir à ce festival, on a participé à deux mobilisations, une contre les guerres capitalistes qui a été convoquée par le ZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, et une autre contre les guerres capitalistes et les guerres contre les peuples indigènes qui a été convoquée par le Congrès national indien. Nosotros seguiremos participando y en estas convocatorias porque en un principio somos parte de la sexta declaración de la selva lacandona. Creemos en el análisis que hacen los compañeros. Es necesario decir que los pueblos originarios en México, igual que las comunidades organizadas en las ciudades y los colectivos organizados en todo México, están siendo reprimidos, están siendo atacados, están siendo reprimidos por el Estado, este Estado que se dice ser de izquierda. Et on continuera à répondre à ces convocations et à participer parce que, oui, on fait partie de la Sexta et comme le disent les compas, nous croyons que c'est important de dire que les peuples indigènes du Mexique, de la même manière que les communautés organisées dans les villes, de la même manière que les collectifs à travers tout le Mexique, sont attaqués, sont réprimés. Et vivent, subissent cette répression d'État, d'un État qui actuellement se dit de gauche. Entonces, bueno, para no extenderme y contestar más expresamente, sí tenemos y tratamos de enmanarnos siempre con la lucha de los compañeros zapatistas. Et donc, pour ne pas m'étendre au-delà et répondre plus clairement, oui, on a des liens et on reste en lien avec la lutte des compas zapatistes. Y cabe mencionarse, siempre nos preguntan si somos zapatistas, pero no, como nuestro nombre dice, somos villistas. Et il faut aussi ajouter qu'on nous demande toujours est-ce que vous êtes zapatiste, mais non, comme le dit notre nom, on est villiste. Donc du nom de Francisco Villa et non pas d'Emiliano Zapata. Así como Emiliano Zapata y Francisco Villa hace después o antes de que después de que triunfó la Revolución Mexicana, se encontraron en Xochimilco, muy cerquita de donde hoy estamos. Y donc de la même manière que Francisco Villa et Emiliano Zapata, au moment de la Revolución Mexicana, se sont rencontrés à Xochimilco, donc tout près de là où nous, on a nos communautés. Ahí firmaron un pacto que se llamó el Pacto de Xochimilco. Et là, ils ont signé un document qui s'appelle le Pacte de Xochimilco. Donde se comprometían a seguir luchando hasta que las demandas se cumplieran. Et dedans, ils s'engagent à continuer à lutter jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction des demandes. Nosotros, en 2006, junto con ellos, firmamos la Sexta. Et donc, de la même manière, nous, en 2006, avec les zapatistes, on a signé la Sexta. Et nosotros seguimos teniendo el compromiso de seguir con ellos hasta que se cumplan las demandas. Et donc, on continue à avoir cet engagement qu'on a pris avec eux, de continuer à lutter jusqu'à ce que soient remplies, soient satisfaites ces demandes. Muchas gracias, David. Et est-ce que tu veux maintenant nous parler un peu plus de ton parcours personnel? Qu'est-ce qui t'a mené, toi, à intégrer ce mouvement? Voilà, quelle est ta trajectoire un petit peu? Si quieres comentar cómo tú has llegado a este movimiento, como cuál es tu recorrido personal, trayectoria, sí. Llegué a la organización con mis padres. Mis padres son o eran solicitantes de vivienda. Et moi, je suis arrivée dans l'organisation avec mes parents. Mes parents demandaient une place dans ce lieu de vie. En una de las cooperativas más grandes, o en la más grande que tiene 600 familias. C'était dans une des coopératives les plus grandes, la plus grande, celle qui a plus de 600 familles. Entonces, en las comunidades, cada familia pertenece a una brigada y en esa brigada se eligen responsables. Y a mis padres los eligieron responsables de la comisión de mantenimiento. Et donc, dans ces communautés, chaque famille fait partie d'une brigade. Et dans ces brigades, il faut élire des responsables. Et mes parents ont été élus responsables dans la commission d'entretien. Que dicho sea de paso, mis papás están en la comisión de mantenimiento desde 1998 a la fecha. Et en fait, mes parents, ils sont dans cette commission d'entretien depuis 1998 et encore jusqu'à aujourd'hui. Entonces hubo un momento en el que mi madre, que no tiene muchos estudios terminados, me llevó a la comisión a que le ayudara a escribir los apuntes en la comisión. Et donc il y a un moment où ma mère, qui n'a pas vraiment beaucoup étudié, était à l'école, m'a emmené avec elle à la commission pour que je l'aide à prendre des notes de ce qui se passait dans la commission. Y de pronto me dejó en la comisión. Et puis voilà, elle m'a laissé dans la commission. Et en el año 2000 se funda en esa comunidad después de toda la experiencia de trabajo cultural en la organización, se funda la Comisión de Educación y Cultura. Et en l'an 2000, dans cette communauté, après toute l'expérience du travail d'éducation, s'est fondée dans cette communauté la Comisión Educación y Cultura. Quiero decir también que podemos estar hablando de muchos años, pero tengo 35 años. Et donc, je dois dire que voilà, on a l'impression de parler de trucs de beaucoup d'années passées, mais j'ai 35 ans. Entonces, en el año 2000, formamos la Comisión de Cultura y empezamos a crear todo lo que hoy es parte del proyecto. Et donc, en l'an 2000, on crée la Comisión de Cultura y on commence a fabriquer tout ce qui aujourd'hui fait partie du projet. Talleres de ciencia, la radio, el cine. Les ateliers de sciences, la radio, le ciné. Hicimos también, dimos clases de alfabetización. On a donné aussi des cours d'alphabétisation. Talleres de educación popular a las comisiones. Des ateliers d'éducation populaire aux commissions. Y junto a mí y a otros jóvenes, bueno, en ese momento que éramos más jóvenes. Et donc, moi et d'autres jeunes, à ce moment-là où on était jeunes. En el año 2009, la organización nos propone integrarnos a la dirección colectiva. L'organisation nous a proposé d'intégrer en 2009 la dirección colectiva. Y en el Congreso de 2012, en el Congreso de 2012, nos dan una responsabilidad directa a cada uno de los que nos habíamos integrado. Et au congrès de 2012, ils nous ont donné une responsabilité directe à nous qui avions donc intégré. Desde ese momento a ahora soy responsable de la Comisión de Educación y Cultura de toda la organización, de la Comisión de Salud de toda la organización y de la Comisión de Agricultura Urbana de toda la organización. Donc, depuis cette époque, moi, je suis responsable de la commission de santé de toute l'organisation et de la commission agriculture urbaine aussi pour toute l'organisation. Mis demás compañeros ahora son responsables de los proyectos de cultura, comunicación, vigilancia. Et mes autres camarades, eux, aujourd'hui, ils sont responsables de thèmes comme la culture ou la sécurité des autres commissions. Junto con nuestra comisión política, que es la compañera Rosario Hernández, que hoy no pudo estar con nosotros. Ainsi que la comisión política, ça c'est notre camarada Rosario Hernández, que es responsable de ça y que no pudo venir ce soir. Gracias, David. ¿Quieres comentar un poco más sobre lo de la comisión de salud y de agricultura urbana? ¿Es que tú veux nous en dire un peu plus, como tú viens de dire, du coup, que tú étais responsable de ces deux commissions, de santé y d'agriculture urbaine? ¿Es que tú veux un peu nous expliquer comment elle fonctionne? La comisión de salud funciona como todas las como todas las demás comisiones bajo tres ejes fundamentales. La Comisión de Santé, comme toutes les commissions, elle fonctionne avec trois axes principaux. La ciencia, la cultura y la formación política. La science, la culture et la formation politique. Todo lo que hacemos en las comisiones, incluyendo la Comisión de Salud, tiene que tener de información verídica y de, en términos materiales y una explicación material. Tout ce qu'on fait dans les commissions, donc incluant la Commission de Santé, doit avoir une base de connaissances scientifiques matérielles. Tiene que tener y tiene que volverse un proceso cultural, tiene que volverse parte de la costumbre, de los usos de las comunidades, pero parte de la vida cotidiana de cada familia. Elle doit inclure aussi un processus culturel, c'est-à-dire s'intégrer aux habitudes, aux usages, aux coutumes et à la vie quotidienne des familles. Y en cuanto a la formación política, todo lo que propongamos o promovamos debe dar un punto de vista político. Et pour ce qui est de l'axe formation politique, tout ce qu'on propose, tout ce qu'on donne doit suivre un point de vue politique. Y a partir de esos tres componentes se echan a andar trabajos prácticos, concretos, con una intención de fortalecer siempre a las comunidades. À partir de ces trois principes fondamentaux, on doit se donner des projets concrets pour renforcer les communautés. En el caso de la Comisión de Salud tenemos cinco ejes, que es, cuatro. La prevención, la canalización, la medicina alternativa o complementaria y la creación de redes de salud. Et dans le cas spécifique de la commission de santé, on a quatre axes qui sont la prévention, la canalisation, la création d'alternatives, de médecine alternative et la création de réseaux de santé. Pour poner un exemple, en el momento del COVID, par exemple, au moment du COVID, la commission de salud, en termes préventivos, habló sobre el COVID. Qué era, cómo se transmitía, toda la parte científica del COVID para poder prevenirlo. Pour ce qui est de la prévention, la commission de santé a informé les gens à propos du COVID, tout ce qui est mode de transmission et ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait mettre en place pour le prévenir. Eso se tradujo a talleres, pláticas, conferencias, etc. Et donc ça a eu lieu dans des ateliers, des conversations, des conférences, etc. Trabajamos sobre el COVID, sobre la línea de la canalización, pero si no podíamos canalizar o llevar a un compañero a un hospital porque en México no había la atención, lo que hicimos era tenerlo en nuestra casa de salud o en su casa, pero las compañeras de salud, con toda la valentía del mundo, monitoreando signos vitales, poniendo oxígeno, poniéndole suero, atendiéndole según la formación que nos dio un compañero médico solidario en ese momento. Donc pour ce qui est de la canalisation, de la gestion du COVID, des gens qui étaient malades, quand c'était possible de l'emmener à l'hôpital, mais au Mexique, en fait, c'était pas souvent possible, il n'y avait pas la ressource pour s'occuper d'eux à l'hôpital. Donc sinon, il y avait la possibilité de les laisser séjourner dans nos maisons de santé, ou alors à domicile chez eux, mais dans ce cas-là, avec les camarades promoteurs de santé qui allaient les voir, monitoraient leur constante vitale, leur apportaient aussi un complément d'oxygène, et selon tous les principes scientifiques selon lesquels ils avaient été formés. Y en el caso de la medicina alternativa, que cuando hablamos de COVID, nos dieron, y desde ese momento se inició una escuela de herbolaria. Et dans le cas de la médecine alternative, au moment du COVID, on a fondé une herboristerie. Y a partir de remedios, justamente plantas medicinales, hicimos tinturas, jarabes, inclusive aceites para que nos podamos relajar cuando estábamos en la enfermedad, cosas que nos ayudaran a mantenernos en ese momento un poco más estables y complementar nuestro tratamiento o llevar un tratamiento de manera natural. Et donc on s'est mis à fabriquer toutes sortes de produits à partir de ces herbes médicinales, des teintures, donc des petites gouttes, mais aussi des huiles, et toutes sortes de produits qui nous permettraient, en complément d'un traitement ou comme traitement alternatif, de maintenir notre état au moment où on était malade. Y en el caso de tejer redes, pues es más que entendido que nos contactamos con la maestra de herbolaria, que pertenece a una organización zapatista en México, que se llama Organización Zapatista de Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos, o las bien llamadas gomitas, así se llaman. Y por ce qui est donc de se mettre en réseau, on a pris contact avec l'enseignante d'herboristerie, d'herbes médicinales, qui d'ailleurs fait partie d'une organisation zapatiste qui s'appelle... Organisation zapatiste. Organisation zapatiste. Éducation. D'éducation. Para la liberación. Pour la libération. De nuestros pueblos. De nos peuples. Y también el doctor que nos dio la capacitación es del Nodo Solidario de Italia. Et le médecin qui nous a donné cette formation, lui, il fait partie du réseau solidaire d'Italie. Y los compañeros de las comunidades, para tener lo necesario en las casas de salud, hicimos una rifa que se llamaba Rífatela por la Vida, donde compramos tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno, todo lo que necesitaban en ese momento nuestros compañeros. Et les camarades, pour avoir le matériel, notamment le matériel, les appareils pour la mise sous oxygène, ont organisé une loterie qui s'appelait la loterie pour la vie, donc pour récolter les fonds pour permettre d'acheter les appareils d'oxygénation, les tanks, les bouteilles d'oxygène et tout ce dont on avait besoin à ce moment-là pour traiter les gens. Esa es una de las tantas cosas que hace la Comisión de Salud. Ça, c'est une des nombreuses choses que fait la Comisión de Santé. Y en el caso de la Comisión de Agricultura Urbana, lo que hacemos es, tiene tres objetivos. Uno, recuperar el amor a la madre tierra, humanizar los procesos capitalistas y crear y discutir sobre la autonomía alimentaria. Et pour ce qui est de la Commission Agriculture Urbaine, elle a trois axes de travail. Le premier, c'est récupérer l'amour pour la terre. Le deuxième, humaniser les processus capitalistes. Et le troisième, réfléchir sur l'autonomie, la souveraineté alimentaire. Se me olvidaba la defensa de los recursos naturales, los bienes y recursos naturales. Et la défense des ressources naturelles, des biens et ressources naturelles. Entonces la Comisión de Agricultura investiga, comparte en la comunidad y trata de generar y dar una posición política sobre el despojo de los bosques, del agua, de la energía que está sucediendo ahorita en el país. Et donc notre commission agriculture mène des recherches, des réflexions sur des thématiques comme le pillage des forêts et des différentes ressources telles qu'il a lieu aujourd'hui dans notre pays. Y cuando hablamos de humanizar los procesos capitalistas no nos referimos a hacerlo más amable. Nos referimos a dar una postura política sobre algunas cosas que están sucediendo, pero para nosotros las hemos normalizado. Por ejemplo, et quand on parle d'humaniser les processus capitalistes, on ne veut pas dire les rendre plus gentils, plus aimables. On parle d'une posture politique pour critiquer un certain nombre de choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, par exemple. Hace algún tiempo dimos un taller con nuestros niños, nuestros compañeritos en la comunidad y les preguntábamos de dónde venían los chiles. Y la respuesta fue del supermercado o de la lata. Par exemple, récemment, on a fait un atelier avec les enfants, avec nos jeunes compagnons dans la communauté, et on leur a demandé d'où viennent les piments. Et ils nous ont répondu du supermarché, de la boîte. Entonces nos preocupó porque justamente lo que necesitamos hacer era como recuperar el amor a la tierra, pero decirle a todos nuestros compañeritos que crecemos en la ciudad, pues justamente que el capitalismo hace que perdamos de vista todos los procesos naturales que suceden para que ese chile o ese tomate llegue a nuestra mesa. Et ça nous a semblé problématique parce que justement promouvoir l'amour de la terre, ça veut dire aussi qu'on doit dire à tous nos jeunes camarades que les processus capitalistes en ville font qu'on perd de vue tout ce qui mène à produire à la croissance de tous les aliments comme le piment ou les tomates. Justo cuando decimos humanizar esos procesos es porque de pronto en las grandes ciudades nos enseñan que todo está muy sencillo y que no basta más que ir al supermercado, tomar las latas e irnos a casa. Y eso no es así. Et donc ce qu'on veut dire par humaniser les processus, c'est dans les grandes villes en particulier, on nous enseigne, on nous dit que tout est très simple, il suffit d'aller au supermarché et d'acheter des choses dans des boîtes de conserve, mais en fait c'est pas comme ça. Entonces ahí iniciamos un proceso de trabajo con nuestros niños, con nuestros compañeritos, sobre ir al huerto, conocer desde las semillas, hacer procesos de germinado, de trasplante, de cosecha, todo esto en nuestros huertos, con la intención de que nuestros compañeros más pequeños entiendan cuál es el proceso antes de que llegue a nuestra mesa y todo lo que sucede antes de que llegue a la mesa. Hay grandes campos que están siendo esterilizados por los monocultivos, por los fertilizantes, o mucha gente que está enfermando por eso. Et donc on a commencé ce processus avec les enfants d'aller dans nos jardins, de voir comment tout se passait à partir de la graine, du processus de germination, de transplanter les plants et puis jusqu'à la récolte, et de voir l'ensemble de ce processus et de ce qui se passe. De comprendre aussi tous les grands espaces qui souffrent d'être stérilisés par des champs de monoculture pour produire les aliments qui arrivent ensuite dans les supermarchés. Entonces la Comisión de Agricultura para nosotros, no solo para nuestros compañeritos más jóvenes, sino para todos los que pertenecemos a la organización, debe convertirse en una escuela. Et donc, dans ce sens, la Commission Agriculture, elle doit devenir une sorte d'école pour nous et pour nous tous, pas seulement pour les enfants dans les communautés, mais pour tout le monde. Que tenga como resultado cajones de cultivo, azoteas verdes, proyectos de hidroponía, cosas que nos sirvan para producir nuestros propios alimentos en nuestra casa, dentro de una ciudad como la Ciudad de México. Et qui est pour résultat des caisses à légumes, de production de légumes verts, de récupération de l'eau et des choses qui nous permettent d'avoir des légumes dans nos propres maisons, y compris en ville, dans la ville de Mexico. Bueno, un poco es a grandes rasgos lo que se dedican las dos comisiones que yo coordino. Et donc voilà globalement ce que font les deux commissions que je coordonne. Muy interesante, gracias. Entonces vamos a hacer una pausa musicale de nuevo y retomamos después. Une petite pause musicale et on reprend. Guerra olvidada. no sacia su hambre. Te acosa, te acecha, se alimenta de tu sudor. Tus armas son colmillos de justicia y opresión. Es una guerra olvidada. Es una guerra olvidada. PP 106.3, la jungle des luttes. On reprend avec le compas David, qui nous vient donc du groupe Los Ponchos. Et du coup, notre question d'après, c'était plutôt de te raconter d'ailleurs que nous, au CSPCL, là, avec le comité, on a justement relayé des communiqués à vous, il n'y a pas si longtemps. En 2020, vous sortiez un communiqué pour dénoncer un petit peu le harcèlement que vous subissiez de la part d'un groupe. Alors, je ne sais pas si c'est des narcos ou cartels, mais tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez géré cette situation et comment, en fait, plus globalement, vous organisez votre autodéfense face, du coup, aux cartels, aux narcos et plus largement à tout plein de groupes comme ça qui viennent vous harceler. Sí, la pregunta es, David, que nosotros como comité hemos difundido sus comunicados también y hemos visto lo del 2020, creo, que estaba denunciando un poco el hostigamiento que han tenido con el grupo Los Colombianos, parece, ¿no? Y pues la pregunta es este, ¿cómo se organizan frente a esos grupos, como carteles, narcos, no sé, y cómo organizan su autodefensa en general, ¿no? Bueno, primero quisiéramos decir que las amenazas que recibimos en 2020 nos permitieron mantenernos trabajando activos ante... D'abord, il faudrait dire que les menaces qu'on a reçues, qu'on a subies en 2020, en fait, nous ont aussi permis de continuer à travailler, à être actifs. Con todo el miedo que implicaba la pandemia y el contagio, las amenazas que generaron este grupo de delincuentes, permitió que la comunidad a la que fue amenazada no dejara de organizarse de manera interna. Au milieu de toute la peur et l'isolement que générait la pandémie, ces menaces qui ont été reçues par une communauté de la part de ce groupe délinquant, en fait, ont permis que ne soit pas laissé de côté le processus d'organisation. Para nosotros el poder defendernos o tratar de proteger nuestra comunidad, primero se remite al control del territorio. Todo nuestro espacio está cercado. Et pour nous, la possibilité de nous défendre, de nous protéger, c'est d'abord le contrôle de notre territoire, puisque l'ensemble de notre territoire est clos, est fermé. Estamos justo a los límites de dos delegaciones, Iztapalapa y Tláhuac. On se situe juste à la limite entre deux délégations, celle de Iztapalapa et celle de Tláhuac. Entonces, cuando sucede algún delito o alguna cosa, estas dos delegaciones se mandan de una a otra la responsabilidad. Ninguna de las dos responde. Et donc, quand survient un délit, un problème, ces deux délégations ont coutume de se renvoyer la balle et aucune des deux ne veut vraiment répondre au problème. Entonces, l'Assemblée de cette communauté a décidé de cercar ou de poner les limites de la communauté, ya que nosotros somos los que tenemos la guardia permanente de nuestra comunidad. Et donc cette communauté, elle a décidé de se clore, de mettre une clôture autour de notre communauté, puisque c'est nous en fait qui assurons la garde de notre communauté. Nosotros para no solo para estas amenazas, sino de manera cotidiana, tenemos una guardia 24 horas, 31 días. La comunidad de Acapatzingo en concreto, que fue la amenazada, tiene 28 brigadas, pero en el predio, en este espacio, también hay unos compañeros que se van a un predio nuevo, pero les prestamos una zona de vivienda provisional, entonces se sumaron a la guardia. Para la guardia, solo para la guardia, tenemos 31 grupos que cubren un día cada uno. Et donc, dans notre communauté, pas seulement à cause de ces menaces, mais en général, on a une garde qui monte la garde 24 heures sur 24 et pendant 31 jours. Donc dans cette communauté de Acapaltingo, pour la nommer, celle qui a reçu des menaces, il y a 28 brigades, chacune assume un des 28 jours. Mais à ce moment-là, il y avait aussi des gens à qui temporairement, on avait donné un lieu de vie, donc ils se sont ajoutés. En tout cas, pour la garde, ça fait 31 groupes, et donc les 31 jours sont assurés. De manera interna, las guardias están encargadas de resolver los conflictos que se den durante el día y los rondines comunitarios. En interne, le rôle de cette garde, c'est de résoudre les conflits qui peuvent émerger au jour le jour et de faire les rondes communautaires. En la comunidad, por ejemplo, en todas las comunidades está prohibido beber bebidas alcohólicas, valga la redundancia, en áreas comunes. Et par exemple, dans cette communauté, comme dans toutes les communautés, il est interdit de boire des boissons alcoolisées dans les zones collectives, dans l'espace public. De igual manera, drogarse en áreas comunes. Está prohibido. Et de la même manière, c'est interdit de se droguer dans les espaces communs. Entonces, la ronda comunitaria permite que si se ubica alguien que está infringiendo esta regla, se le pide que abandone la comunidad o se le pide que se meta a su casa. Et donc, les rondes communautaires, ce qu'elles permettent, c'est que si on trouve quelqu'un qui ne respecte pas ces règles, on lui demande de quitter la communauté ou alors de se replier, de rester dans sa maison. Entonces, cuando fuimos amenazados, la guardia, la ronda, etcétera, se mantuvo de manera normal, pero se reforzó con todo aquel compañero que quería de manera voluntaria reforzar la guardia. Et donc au moment où on a reçu ces menaces, en fait, tout le système de garde, de ronde a été maintenu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été renforcé par tous les camarades qui voulaient bien venir en renfort à ce moment-là. Cabría mencionar que en la comunidad que fue amenazada habitamos un poco más de 3.500 personas. Donc, là, il faudrait aussi mentionner que dans cette communauté qui a été menacée, nous sommes plus de 3.500 habitants. Entonces, cuando se dio la amenaza, las guardias llegaron a ser hasta de 100 personas diarias. Et donc au moment où il y a eu ces menaces, en fait, les gardes sont arrivés jusqu'à 100 personnes par jour qui montaient la garde. Y la asamblea ante la amenaza estuvimos en guardias extraordinarias en esta lógica de tanta gente aproximadamente hasta el mes de septiembre de ese año. Et donc notre assemblée, face à ces menaces, a maintenu ses gardes très nombreuses, extraordinaires, jusqu'au mois de septembre de cette année. Si, habría que comentar también que nuestra organización es una organización pacífica, pero justamente en este momento todas las comunidades se pusieron en una alerta para llegar en apoyo en cualquier situación que se diera. Et il faut ajouter que notre organisation est une organisation pacifique, pacifiste, mais que à ce moment, face aux menaces, quand même toutes les communautés se sont mobilisées pour pouvoir venir en renfort face à une situation, n'importe quelle situation qui pourrait se produire. Y la otra cosa que hicimos para volverlo visible es que justamente la zona en la que estamos y nadie se hace cargo de la seguridad. Et donc l'autre chose qu'on a fait en réponse à cette situation, c'est que comme justement dans la zone où on est, personne ne se charge vraiment d'assurer la sécurité. Si bien no creemos en el Estado ni en su justicia burguesa, sí los hicimos responsables de todo lo que sucedía en esa zona porque ellos han permitido que esos grupos crezcan. Et même si on ne croit pas à l'État et à sa justice bourgeoise, on les a quand même rendus responsables, on a signalé leur responsabilité dans cette situation puisque c'est eux qui ont permis à tous ces groupes de se développer. Entonces, no solo fue la denuncia y el que las organizaciones fraternas estuvieran al pendiente, sino también decirle el Estado y el gobierno de México está permitiendo que estos grupos delincuenciales estén aterrorizando a la población, y población que no tenemos nada que ver, y que a lo mejor, perdón, nada más como para complementar, justo no nos hacen caso y nunca van a garantizarnos la seguridad porque no les garantizamos ningún voto. Et donc il ne s'agissait pas seulement de publier une dénonciation et de demander aux groupes solidaires d'être attentifs à ce qui se passait, mais aussi de responsabiliser, de signaler la responsabilité de l'État dans cette situation, parce qu'il permet à ces groupes délinquants d'être là, de se développer, ils ne nous protègent pas contre eux, nous, la population qui n'a rien à voir dans cette histoire. Et en particulier que probablement ils ne s'occupent pas de cette population parce que en fait on leur assure pas de vote, de voix dans les élections. Sí, algo que aprendimos en ese momento y que hemos aprendido durante los 35 años que tiene la organización es que mantenernos juntos es lo que nos tiene seguros. Et quelque chose qu'on a appris à ce moment-là et qu'on apprend depuis les débuts de notre organisation. C'est que rester tous ensemble, c'est ce qui assure notre sécurité. Entonces, el proceso de organizativo en sí mismo también se vuelve un proceso que nos garantiza la vida, la seguridad y la paz. Et donc, notre processus d'organisation en lui-même, c'est aussi le processus qui nous garantit la vie, la sécurité et la paix. Ici. Como cualquier persona, no podemos negar que nos da miedo. Y como n'importe qui, bien sûr, on peut pas nier que ça nous fait peur. Pero en ese momento, mantenernos juntos también ayuda a que controlemos ese miedo y lo convirtamos en acciones organizadas. Mais à ce moment-là, le fait de rester organisés tous ensemble, c'est ce qui nous a aidé à garder le contrôle de cette peur et à la convertir en processus d'organisation. Y también creemos que nuestra organización tiene algo muy claro, nunca vamos a arriesgar la vida de ningún compañero, pero las asambleas en ese momento definieron y decidieron que era momento de defender si era necesario. Et on a quelque chose, un principe très clair dans notre organisation, c'est qu'on va pas mettre en risque la vie de aucun de nos camarades, mais à ce moment-là dans les assemblées on a quand même décidé, défini que c'était aussi le moment de se défendre si jamais ça devenait nécessaire. No sé si respondí. Sí, gracias, muchas gracias. Muy fuerte y muy interesante. ¿Estás dispuesta a una más pregunta o? Sí, es lo que. Ok, bien. ¿Solo una? Okay. No. ¿No está bien? No. Okay. Las que quieran. Ok, pues quizás seguir con el tema de, pues quizás el gobierno, porque estabas comentando lo de la relación con el Estado un poco y pues su justicia y todo, pues la pregunta sería más cuál es su relación con el gobierno y más bien qué piensen de este gobierno de AMLO, que pues se dice un gobierno de izquierda, pero bueno, sabemos que está cada vez más militarizando el territorio, como imponiendo unos megaproyectos de todos lados, todo eso. Así que si puedes comentar un poco eso, y voy a traducir. Du coup, oui, pour enchaîner un petit peu et faire le lien avec ce que tu nous racontais sur la relation à l'État et voilà, au gouvernement, à sa justice, on voulait enchaîner avec peut-être une question sur qu'est-ce que c'est, du coup, quelle est votre relation avec justement le gouvernement AMLO du président actuel qui se dit de gauche, or qui impose de plus en plus de militarisation sur le territoire, des méga-projets destructeurs un peu partout. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? En este momento, el gobierno de la Cuarta Transformación, de manera discursiva hacia afuera, dice no ser neoliberal, pero para nosotros lo es. À l'heure actuelle, le gouvernement qu'on a, donc qui se dit de la quatrième transformation, dans son discours et vers l'extérieur, dit qu'il n'est pas néolibéral. Mais pour nous, si, c'est le cas. Justo por esto que comentaban, todo el territorio está siendo, las organizaciones han sido cooptadas, han sido desmembradas, luchadores sociales asesinados. Et justement pour les raisons que je vous disais, sur tout le territoire, les organisations ont été soit cooptées ou alors démembrées, et les gens qui étaient impliqués dans la lutte sociale ont été assassinés. Territorios y comunidades despojadas de sus bosques, de sus aguas. Territoires, les communautés ont vu piller leurs bois, leurs forêts, leurs sources d'eau. Y justo él en un discurso de primero o que está viendo por todos los sectores de la población, pero eso no es verdad. Está solo dando becas, dando dinero a todo mundo, pero por un lado da dinero y por el otro lado está contaminando y devastando los manglares, está entregando las playas a iniciativa privada, el mal llamado Tren Maya va a devastar una gran parte de la selva. Et le discours, voilà, qui est répandu envers toute la population est faux, parce que d'un côté, oui, il donne des bourses, c'est-à-dire on distribue de l'argent aux gens, mais de l'autre côté, en fait, on dévaste les mangroves, on vend les plages à différents acteurs privés. Le projet, le mal nommé Train Maya, qui va être construit, va occasionner la destruction d'une grande partie de la forêt primaire, de la jungle. Y justo mismo está, lo mismo está pasando en la zona del Istmo de Tehuantepec, despojando a mucha gente de su tierra. Hoy los pueblos siguen en resistencia y hoy se dice estos 500 años, más de 500 años, los pueblos siguen siendo despojados. Et c'est la même chose qui se passe dans l'isthme de Tehuantepec. Beaucoup de gens voient piller leurs terres et résistent. Et ce qu'on dit, c'est que ça fait 500 ans, ça fait plus de 500 ans que continue le pillage de ces peuples. Construyendo proyectos como el aeropuerto que le dio la construcción, la concesión de todo a la Secretaría de Marina. Pour construire des projets comme cet aéroport dont l'ensemble de la construction et de la concession a été donné en responsabilité au secrétariat de la marine. Y hace unas semanas lanzando una iniciativa justo donde le pide al Senado y a la Cámara de Diputados aprueben que la Guardia Nacional tenga adiestramiento de la Secretaría de Marina. Para nosotros eso es crear más militares o formar más militares que hoy van a tener acciones de carácter civil y que hoy van a ir en contra de la población si es necesario con técnicas del ejército. Et il y a quelques semaines encore, en demandant au Sénat et à la Chambre des députés d'approuver l'idée que la Garde nationale soit mise sous l'autorité de ce secrétariat, ce ministère de la Marine. Ce qui veut dire, en fait, pour nous, créer un corps militaire supplémentaire qui, aujourd'hui, agit dans des circonstances civiles, mais en fait va le faire de plus en plus avec des techniques militaires et une militarisation de ces modes d'action. Si eso no es neoliberal, no entendemos nosotros a qué es ser qué es no ser neoliberal. Et si ça c'est pas néolibéral, alors franchement on comprend pas ce que ça veut dire ne pas être néolibéral. Toda la continuidad es para nosotros toda la continuidad de estos gobiernos del PRI de los 80s, donde se imponía la voluntad del presidente. Et tout ça pour nous c'est vraiment en continuité avec la politique des années 80 du PRI, donc du Partido Revolucionario Institucional, du parti qui tenait l'État à ce moment-là. Que dicho sea de paso, no habría que olvidar que Andrés Manuel era parte de los gabinetes del PRI en los años 80. Et soit dit en passant, il faudrait pas oublier que Andrés Manuel Obrador, donc le président actuel du Mexique, faisait partie de ces cadres, des gens qui avaient des responsabilités au sein du PRI à ce moment-là. Y si todo esto no tiene nada que ver con planes, por ejemplo, que firmó el gobierno de México en los 90s, como el Plan Puebla-Panamá o algunos de estos, tampoco entonces entendemos por qué se dice ser de izquierda si lo que ha estado haciendo es con la continuidad de todos esos planes que son muy viejos y que finalmente le entregaron el país a la iniciativa privada. Et donc si tout ça, ça n'a soi-disant rien à voir avec toute la planification des années 90, comme le plan Puebla-Panamá et tout ça, alors franchement, on ne voit pas ce que ça veut dire ne pas être en continuité avec cette politique des années 90. Et donner aux entreprises privées en fait, la maîtrise de ces plans. Entonces, lo mismo sucede en la Ciudad de México. Et c'est la même chose qui se passe dans la ville de Mexico. En la Ciudad de México, le están entregando créditos de vivienda, suelo, a todo aquel que pertenece o le garantiza votos al movimiento, a Morena, ¿no? El movimiento de Regeneración Nacional, este partido en el poder. Si no eres parte del poder, no te escucha nadie. Et c'est la même chose qui se passe dans la ville de Mexico, à savoir qu'on donne un crédit pour acheter une maison, on donne le sol, l'espace de construction à ceux qui font partie du mouvement Morena, donc du mouvement politique du gouvernement actuel, ou alors qui leur garantissent au moins des votes. Et si on n'en fait pas partie, si on est plus éloigné du pouvoir, alors aucun de ces droits n'est accordé. Y en el caso de nosotros que buscamos o tratamos de buscar algún tipo de subsidio de parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, porque la vivienda también tiene una gran especulación en la Ciudad de México, la gentrificación que se ha dado en la Ciudad de México es enorme, ¿no? Mucha gente ha sido desplazada a las periferias de la ciudad y todo el centro hoy se cotiza hasta en dólares. Et dans notre cas, qui essayons de solliciter l'Institut pour la construction d'habitat dans la ville de Mexico, où il y a de nombreuses problématiques, notamment de gentrification et de prix qui montent. Les choses s'achètent maintenant en dollars, même au centre de la ville de Mexico. Entonces, sí es verdad que nosotros luchamos por la autonomía. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, como la construcción de la vivienda, que tardaríamos muchísimos años en tener un resultado por el costo tan enorme que eso implica. Et donc c'est vrai que nous on lutte pour l'autonomie, mais il y a un certain nombre de choses, essentiellement la construction de lieux d'habitation sur lesquels on aurait besoin, ça durerait vraiment très longtemps à cause du coût qui est impliqué par ces opérations. Entonces, lo que hacemos es jugar con algunas o utilizar algunas de las leyes que ellos han construido en la Ciudad de México a nuestro favor. Por ejemplo, la ley de vivienda de la Ciudad de México. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de jouer sur un certain nombre de lois ou d'utiliser ces lois que eux-mêmes ont mises en place, comme la loi sur l'habitation dans la ville de Mexico. Hace tiempo, cuando en alguna comunidad nos prestaban para construir, el Instituto de Vivienda decía a quién nos tenía que construir. Y donc, il y a un certain temps, quand ils nous prêtaient de l'argent pour construire, donc dans certaines de nos communautés, ils nous disaient aussi qui devait procéder à cette construction. No existía la posibilidad de autoadministrar porque las empresas registradas en el Instituto de Vivienda eran parte de eran los dueños eran amigos del funcionario que está en tal puesto del INVI. Et donc il n'y avait pas possibilité d'auto-administrer ce point-là, puisque en fait les entreprises qui étaient enregistrées à l'Institut pour l'Habitat, en fait, c'était des entreprises dont les propriétaires étaient amis avec un tel ou un tel qui avait des postes importants dans l'Institut en question. Et juste une partie de la ley de vivienda, desde hace algún tiempo, plantea l'autoproduction de vivienda en la Ciudad de México. Mais justement, une partie de la loi récente sur l'habitat, sur l'habitation, met en place les conditions de l'autoconstruction, de l'auto-administration de la construction dans la ville de Mexico. Entonces, bajo esa dinámica, nosotros, por ejemplo, voy a desarrollar el ejemplo rápidamente, nosotros le planteamos al Instituto de Vivienda, tienes esta opción, la queremos utilizar. Et donc, dans le contexte de cette dynamique, nous, on a dit à l'Institut pour l'Habitat, voilà, vous avez cette option-là, et ben on veut l'utiliser. Sin embargo, el Instituto de Vivienda dice, sí, pero no eres una empresa, sí te puedo prestar bajo esta posibilidad que abrió la ley de vivienda, te puedo prestar, pero te voy a descontar el 30% que se lleva la empresa que si te construyera un privado. Et donc l'Institut pour l'Habitat nous a dit oui, c'est vrai, mais en fait vous n'êtes pas une entreprise. Et donc oui, on peut vous prêter sous ce titre d'autoconstruction, mais on va vous retirer les 30% qu'aurait pris une entreprise pour la construction dans le contexte privé. Para adquirir o para tener la posibilidad de ejercer eso, nosotros nos constituimos en una figura legal que es la cooperativa. Et donc, pour pouvoir faire ça, nous on s'est constitué en une entité légale qui est celle de la coopérative. Entonces, la cooperativa de vivienda, porque la organización popular Francisco Villares, que es independiente, no tiene una figura legal. Entonces, la figura legal que ocupamos son las cooperativas de vivienda. Todo aquel que está en la organización pertenece a una cooperativa y con esa cooperativa luchamos para que se baje este recurso. Et donc, finalement, l'existence légale qu'on a, c'est cette coopérative, ce sont ces coopératives. L'organisation Francisco Villa elle-même n'a pas une forme légale. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on promeut de l'ordre de cette construction, c'est au titre de ces coopératives. Entonces, este recurso nos hacen ese descuento enorme y con el 70% que nos dejan de como resto, tenemos que construir nosotros la vivienda. Y le hemos demostrado al Estado y al gobierno de la Ciudad de México que construimos vivienda y mejor vivienda que la que ellos promueven. Et donc, ils nous retirent ces 30% et avec ce qui reste, les 70%, nous, on construit des habitats et on leur a montré qu'on construit de meilleurs habitats que ce qu'eux proposent. Pour poner un exemple, la ley, aunque nos prestaran el 100%, si nos construyera un privado, nos construiría 52 mètres cuadrados de construction. Et donc, par exemple, pour donner un exemple concret, avec les 100% de la somme qu'ils pourraient nous donner, si on construisait dans le privé, on aurait 52 mètres carrés. Et nous, bajo el esquema de la autoproducción de vivienda, con el 30% que nos quitan del crédito total, hemos construido vivienda de 64 a 67 mètres cuadrados. Alors que nous, avec seulement les 70% qui nous reste de l'argent qu'ils nous prêtent, on a construit des habitations de 64 à 68, 69 mètres carrés. ¿Cómo logramos esto? Con el trabajo comunitario. Nosotros somos los que acarreamos el material, los que transportamos lo que se necesita y nos ahorramos esa mano de obra que se invierte en la construcción. Et comment est-ce qu'on y arrive ? Eh ben, avec le travail communautaire, c'est-à-dire que c'est nous qui transportons les matériaux, qui acheminons en fait tout ce qui est nécessaire. Et de cette manière, on économise et on réinvestit dans la possibilité de construire des habitats plus grands. Entonces, incluyendo que damos empleo a nuestros propios compañeros, la cooperativa contrata a X número de albañiles que regularmente son de la comunidad. Lo hacen de manera profesional, o sea, la construcción se hace de manera profesional. Tenemos una plantilla técnica con un arquitecto, un ingeniero, profesionales en la materia, y ellos nos van diciendo dónde poner el material, a dónde acercarlo, cómo hacerlo. Nosotros no nos metemos en la construcción, lo hace la cuadrilla de albañiles que siguen siendo parte de la comunidad. Entonces, si yo voy a construir mi casa, la construyo bien. No le... Y entonces, entre todos somos garantes, se mete el material o se pone el material que se especifica en el proyecto. Et sans compter que tout ça génère des emplois dans la communauté, c'est-à-dire qu'on a une équipe de constructeurs, de charpentiers, aussi un architecte, un ingénieur, tout ça se fait par des professionnels. Mais l'équipe de constructeurs charpentiers émane aussi de la communauté. Et nous, nous sommes là aussi. Donc nous faisons ce qu'ils nous disent. Mais si je vais construire ma maison, évidemment, on veille. Tout le monde est garant de ce que les choses se fassent bien, que ce soit les bons matériaux aux bons endroits. Entonces, regresando a la pregunta, justo el gobierno de la ciudad no ha tenido la posibilidad de decirnos no a este tipo de situaciones, porque le hemos demostrado que hemos hecho mejores cosas con menos recurso, que todavía hay que pelearle permanentemente, y entonces justo no nos puede vincular ningún tipo de delito, no nos puede vincular a un proceso de corrupción, no nos puede vincular a nada que vaya en contra de nuestro proceso. Et donc, pour revenir à la question, justement sur ce point, le gouvernement de la ville de Mexico ne peut pas s'opposer à nous ou nous reprocher des choses, puisqu'on lui a montré qu'on pouvait faire mieux qu'eux avec moins de ressources. Et justement, il ne peut pas nous relier à des processus de corruption, de délinquance quelconque. Il ne trouve pas de reproches à nous faire dans notre processus de construction et de lutte. Y entonces la otra cosa que intentan hacer es algo que en los años 90s, 80s le llamaban, que desde ese momento trataban de hacer, que era ciudadanizar, que era decirle a las personas en lo particular, no es necesario organizarte, no es necesario la organización en la que perteneces, porque el gobierno es tan amable, es tan de izquierda, es tan del pueblo, que tú puedes venir y pedirle vivienda. Ya no te juntes con ellos. Pero eso no es cierto. Eso no ha sucedido nunca. Entonces, pero lo siguen intentando, este asunto de la ciudadanización. Y entonces, ils ne parviennent pas à faire ce qui était une tentative déjà des années 80-90, quelque chose comme... Le citoyennisme, ou en tout cas s'adresser aux gens individuellement pour leur dire mais il n'y a pas besoin de s'organiser collectivement, tu n'as pas besoin de cette organisation, puisque c'est possible de venir directement trouver l'État et faire valoir ses droits et obtenir des choses. Et donc ça, c'est une tentative qui continue d'exister, mais qui ne rencontre pas de succès, puisque c'est pas vrai, les gens se rendent bien compte que ça ne marche pas. Entonces, valga la explicación para decir, no tenemos relación con la gente del gobierno actual del estado, ni con la gente de Morena en la Ciudad de México, no les damos ningún voto, por lo tanto para ellos no existimos, ¿no? Hacen como que no existimos, no nos han podido desvincular o negar los créditos, porque les hemos demostrado que también hacemos buen uso y construimos mejores cosas que las que ellos promueven. Et donc ça vaut la peine de dire, on n'a aucun lien avec le gouvernement de la ville, on n'a aucun lien avec le parti, Morena, on ne leur donne aucun vote non plus, et pour cette raison, on n'existe pas vraiment pour eux. Simplement, ils n'ont pas pu nous couper les crédits et nous éjecter de ces programmes de construction parce qu'on leur a montré qu'on pouvait faire mieux qu'eux en la matière. Et entonces, también lo que hemos entonces tratado de hacer es que la lucha política es permanente. Entonces, lo que hacemos en las comunidades es todo el tiempo tratando a partir del eje de formación política, todo el tiempo estar diciendo qué es lo que está pasando contra nosotros, contra otros, porque es importante que la comunidad entienda que este canto de las sirenas en el que nos han estado tratando de meter, pues nos están engañando y nos están llevando a una serie de procesos de destrucción del territorio y de muchas cosas de la vida como las conocemos. Et dans tout ça, l'action, la formation politique est permanente. Et donc dans toutes nos actions, on essaye de continuer à mener de l'information auprès de tout le monde, à montrer ce qui se passe et ce qui nous arrive, ce qui se passe contre nous et contre d'autres personnes aussi, pour que les gens ne succombent pas à cette espèce de chant des sirènes. Qui leur dit que tout irait bien et reste conscient du pillage qui a lieu. Pues muchas gracias, David. Fue super interesante el intercambio. Gracias por tu tiempo, tu presencia. Ouais. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Muchas gracias. Son más y los tratan de menos. Vous êtes toujours sur FPP 106.3. C'est la fin de la jungle des luttes. Merci de nous avoir écoutés. Et rendez-vous l'année prochaine, le 3e lundi de janvier. La lutte continue. Vamos, vamos a...